Le groupe Evanescence sur RGM, pile 8h41, c'est déjà l'heure de parler anniversaire. Ils sont nés un 13 décembre 1925, naissance de Dick Van Dyke, acteur américain, vu dans Mary Poppins dans le rôle de Monsieur Dewis Senior, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Le Retour de Mary Poppins, sorti en 2018, vu dans La Nuit au Musée 1 et 3 dans le rôle de Cecil Fredericks, alias CG, et vu dans la série télé Diagnostic Murder dans le rôle du docteur Mark Sloan, oui, également producteur de la série. 1929, naissance de Christopher Plummer, acteur canadien, vu dans La Mélodie du Bonheur, dans le rôle du capitaine George Von Trapp, Waterloo, Malcolm X, L'Armée des Douze Singes, Un Homme d'Exception, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, dans le rôle de John Adam Gates, La Main au Collier, Inside Man, L'Homme de l'Intérieur, Beginners, dans le rôle de Hal, récompensé d'ailleurs par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. À noter qu'il fut l'acteur le plus âgé à recevoir cette récompense. Vu également dans Millennium, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes. 1952, naissance de Jean Rouault, écrivain français, prix Goncourt en 90 pour son roman Les Champs d'honneur. 1957, naissance de Steve Buscemi, acteur américain, vu dans Reservoir Dogs dans le rôle de Mr. Pink, Pulp Fiction, Fargo dans le rôle de Carl Showalter, Armageddon dans le rôle de Rockhound, Spy Kids 2 et 3 dans le rôle de Romero, ou encore Transformers The Last Knight. 1967, naissance de Jamie Foxx, acteur américain, vu dans Collateral, Ray dans le rôle de Ray Charles, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, Jared, La fin de l'innocence, Miami Vice, Deux flics à Miami dans le rôle de Ricardo Tubbs, Valentine's Day, Comment tuer son boss 1 et 2 dans le rôle de Dean Jones alias MF, Django Unchained dans le rôle de Django, What House Down dans le rôle du président des États-Unis James Sawyer, The Amazing Spider-Man, Le destin d'un héros dans le rôle de Maxwell Dillon alias Electro, et en 2018 vu dans Robin des Bois dans le rôle de Petit Jean. C'est également l'année de naissance de Tom Schacht, mannequin acteur suédois, vu dans Les Nouvelles Filles d'à côté dans le rôle de Tom, mais on le connaît surtout pour son rôle de Jimmy dans Le Miracle de l'Amour, Les Vacances de l'Amour et depuis 2011 Les Mystères de l'Amour. 1975, naissance de James Kaizen Lee, acteur américain connu pour son rôle d'Ando Masahashi dans la série Heroes, vu également dans Hawaii 5-0, NCIS Los Angeles ou encore Esprit Criminel, Unité Sans Frontières. 1976, naissance de Noémie Elbaz, actrice française, vue dans La Beuse, Espace Détente, Camping, Caméra Café dans le rôle de Julie Hassan, Femme de Loi dans le rôle du lieutenant Émilie Janson ou encore Camping Paradis. 1978, naissance de Guillaume Carco, acteur français, vu dans Samantha Oops, dans les rôles de Chantal, Jean-Michel ainsi que plusieurs autres personnages. Camping Paradis, et depuis 2012, il incarne Victor Lemonnier, le greffier de la juge Nevers, dans la série Alice Nevers, Le juge est une femme. 1981, naissance d'Emily, chanteuse et musicienne américaine du groupe Evanescence. 1989, naissance de Taylor Swift, chanteuse, actrice américaine, vue au cinéma dans Valentine's Day et à la télévision dans Les Experts ou encore New Girl. 1992, naissance de Romeo Elvis, chanteur belge. 2003, naissance de Lennon et Maisie Stella, actrice canadienne, vue dans la série Nashville dans les rôles de Maddie et Daphné Conrad. Allez, tout de suite, nouvelle pause. On s'écoute tout de suite Taylor Swift et son titre Check It Off. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. Shake It Off sur le 107 FM. Il est 8h48, on parle tout de suite météo. La météo. Bon, ben, on change pas les bonnes vieilles habitudes, on passera la journée sous la pluie. Et ça va être d'ailleurs comme ça tout le week-end. Pour aujourd'hui, des températures comprises entre 4 et 5 degrés. Ce matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi. Samedi, ce sera de la pluie, mais avec peut-être quelques éclaircies. Alors je dis bien peut-être. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche, je vous le dis, donc, je vous le disais donc, de la pluie, des températures qui augmentent un tout petit peu, entre 8 et 9 degrés dimanche matin, et entre 10 et 11 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Europa League et Rennes qui s'est imposé 2-0 hier soir face à la Lazio et Saint-Etienne qui s'est incliné 1-0 à Wolfsburg. A noter aucune victoire en Europa League pour Saint-Etienne. On passe à la Ligue 1 ce soir. Lille reçoit Montpellier. Samedi, Metz recevra Marseille. Amiens, Dijon, Angers, Monaco, Brest, Nice, Nîmes, Nantes et Toulouse, Reims. Et dimanche, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Rennes et on terminera avec Saint-Etienne face au PSG. En Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit Châteauroux. En National 2, samedi, Épinal recevra Bobigny. En National 3, samedi toujours, Raon-l'Étape recevra le club de Prix-les-Mézières et Thaon-les-Vosges recevra Sarre-Union. En basket, en National 1, ce soir, le Jet Vosges reçoit Mulhouse. En Pro B, samedi, Nancy recevra le club de Souffel-Weyersheim. En hockey sur glace, en D2, c'est ce soir que ça se passe à la patinoire de Poisson-Pré. Rendez-vous à 20h30, Épinal, Amnéville. Et on termine avec du biathlon. Tout d'abord, l'IBU Cup avec le podium de Martin Perry à Botonnet et la 17e place d'Emilien Claude sur le super sprint. Allez, on tout de suite direction l'Autriche et Orfersen. Aujourd'hui, ce sont les sprints. On commencera avec le sprint dames en fin de matinée. Les dossards pour nos Françaises. Le dossard 21 pour Chloé Chevalier. Le 28 pour Célia Aymonier. Le 36 pour Justine Brezaz. Le 37 pour Julia Simon. Le 75 pour Anaïs Bescon et le 91 pour Caroline Colombo. On suivra aussi le dossard 24 de Marthe Osbou-Reuseland, le dossard 38 de Dorothea Vireur, le dossard 31 de Lisa, le 41 pardon, de Lisa Vitozzi et Anna Heuberg avec le dossard 42. En début d'après-midi, aux alentours de 14h20, si ma mémoire est bonne, c'est le sprint messieurs avec les dossards 26 pour Émilien Jacquelin, le 31 pour Fabien Claude, le 36 pour Antonin Guigona, le 46 pour Quentin Fillon-Maillet, le 78 pour Martin Fourcade et le 83 pour Simon Détieu. Martin Fourcade qui sera largement renseigné sur les performances de Johannes Bö, puisque si le nouveau leader du classement général Martin Fourcade part avec le dossard 78, ce qui est un petit peu loin, eh bien Johannes Bö lui part avec le dossard numéro 17.